Je te jure, le bruit de fond, il est... Oh, ça fait, hein. Ça fait un peu de... Non, mais au-dessus. T'as compris? Est-ce que t'as entendu la machine? Vous faites 10 minutes de pause, vous venez boire quelque chose, vous mangez une crème. Ouais, ma haine. Pas fini, les gars. pas de calotte en tout.